pas d'école de diplôme. On entre dans le royaume par la porte des fantômes, et au fond d'un couloir, le grand sceau, la nuit noire. C'est encore mieux que d'aimer un instant l'éternité, avoir un monde à ses pieds, être seul devant mille, être fort et fragile. C'est encore mieux que d'aimer, y a pas de règles du jeu, se retrouve au milieu par les chemins que l'on veut. C'est tout droit, c'est en soi, on est roi, mais prends garde, ce n'est jamais qu'un ovale. C'est un objet sans beauté, semblant de vérité, le reflet des vanités. C'est doré, c'est brillant, de la gloire et du vent. C'est encore mieux que la vie, c'est jouer à l'infini, toutes les folies. La vieillesse et l'enfant, c'est encore mieux que la vie. Pas de loi de morale, y a pas le ciel sans étoiles, mais ça finit toujours mal. Dans le cœur, une erreur, une écharde, et la mort pour un noir. Ce Bercy 1991, c'était de faire un voyage dans le temps de mes chansons. Et j'aime pas beaucoup ça, parce que quand on commence à fouiller dans ces vieux disques, on a l'impression d'avoir 100 ans. Ah si, je t'assure, ça fait vieux grenier, ça fait, c'est un enfer. Alors j'ai décidé de faire ce voyage, mais sans ordre chronologique. Comme ça, comme on se souvient. Seulement, j'ai tout de même tenu à commencer par les chansons qui m'ont valu une très mauvaise réputation.